commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, une heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Mauvois et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens, nous avons besoin de toi. Jésus vient, Jésus vient, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous, nous t'accueillons, Jésus vient au milieu de nous, Saint-Esprit vient. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au sein de Lumière sur les ondes, émission inaugurale du mois d'août 2016. La Bible déclare dans le livre de Joël 2, en son verset 28, qu'en ce temps, il répandra son esprit sur toute chair. Nos fils et nos filles prophétiseront autant pour moi. Eh bien, le constat est fait. De nombreux jeunes militent aujourd'hui dans de nombreuses assemblées en tant que prédicateurs, évangélistes, prophètes et bien d'autres. Quelles peuvent être leurs motivations quand on sait le nombre de dérives observées dans le corps de Jésus-Christ, dans ses nombreuses cellules, paroisses chrétiennes? Les dérives qui sont observées nous amènent à nous interroger pourquoi cette ruée de jeunes vers ces différents lieux de culte. Est-ce parce que l'Église aujourd'hui est considérée comme un grenier à sous où on peut se faire de l'argent? Est-ce cette motivation qui entraîne ces jeunes à se diriger vers cette vocation, peut-être précoce, peut-être, je vais dire, invoquée par l'Éternel lui-même? En fait, c'est la grande question ce soir à travers le thème « Jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction ». Je voulais annoncer il y a pratiquement 2 semaines, je ne suis pas seul ce soir, je la présente, Christine Maillard, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Franck, et vraiment j'aimerais le dire, je suis très contente d'être ce soir dans ce studio avec vous pour parler de jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. Et nous ne serons pas ce soir juste deux, nous avons dans ce studio 3 invités. Donc, je commence par le frère Élie Bertrand Tchabda. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir et ravi de vous avoir en duo dans ce studio pour cette émission, merveilleux studio de Radio Bonne Nouvelle. Voilà, nous vous remercions d'avoir répondu présent à notre invitation. Et à ma droite, plutôt à ma gauche, je dirais, voilà, j'ai le prophète Georges Guillaume Edo. Bonsoir. Medio, voilà. Medio, voilà. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de la radio Bonne Nouvelle, bonsoir copanélistes, merci de m'avoir invité une fois de plus. C'est nous qui vous remercions. À ma droite, j'ai ici le pasteur Yvan Mabé, pasteur aspirant à l'assemblée Shekinah. Bonsoir. Bonsoir madame, en fait je précise quand même parce que la précision vaut la peine, c'est Evans. Avec ça à la fin. Voilà, Evans. Voilà. Et je ne suis pas encore pasteur, je suis pasteur aspirant. Aspirant. Il y aura les détails tout à l'heure pour que nous comprenions ce que c'est exactement. Alors voilà. Peut-être qu'on peut dire Evans pasteur dans l'esprit, même si dans le physique,

celle qu'on vient de suivre. Spaghi. Effectivement. C'est dans ce sens-là que je qualifie le mot vocation. Bien sûr. Selon mon explication. Oui, frère Bertrand Tchabda, à votre avis, c'est quoi une vocation? Alors, bibliquement, le thème vocation arrive à 8 fois dans la Nouvelle Alliance. Le mot vocation qui est traduit par vocation, c'est en grec, c'est klesis. Donc, en réalité, c'est l'appel d'une part, de l'autre part, l'autre définition, c'est l'invitation à une fête. Mais pour le cadre chrétien, puisque nous sommes dans la Bible, le cadre chrétien, il s'agit de l'appel au salut en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Et je crois que c'est dans ces cadres que nous allons définir ces vocables-là et puis y travailler. Ok. Oui, le pasteur. Pasteur aspirant Evans Mabé. Oui, en fait, pour moi, tout d'abord, je dirais que la vocation, c'est tout simplement ce à quoi vous êtes appelé sur cette terre, ça. C'est simple. Donc, c'est-à-dire ce à quoi vous êtes destiné. Parce que plusieurs personnes peuvent faire des choses, c'est vrai, mais ce n'est pas toujours le domaine de leur appel. C'est-à-dire, ce n'est pas la mission que Dieu leur a conférée. Ainsi, ce ne sera pas une vocation pour elles, ces personnes-là. Mais ce sera tout simplement un travail pour soi. Mais la vocation, en termes simples, ça voudrait simplement dire ce à quoi vous êtes destiné. Ce que vous devez donc faire. Et cela, il y va aussi des talents naturels qui sont incombés en vous. Vous allez voir que vous n'allez pas faire certains efforts pour pouvoir y parvenir parce que vous avez été douté de certaines potentialités pour y parvenir. C'est ça la vocation, tout simplement. Ok, merci pour ces trois. Mais il a dit qu'il devait utiliser, nous expliquer le vocable assistant pasteur pour qu'on puisse bien saisir qui il est. Peut-être ce sera dans, je vais dire, dans l'émission, dans le contenu de l'émission. À moins qu'il soit très précis pour cela. Bon, allez-y, on vous fait cette fleur. Tout simplement, je dirais, merci pour la fleur, monsieur François. Enfin, je dirais, le pasteur aspirant, c'est tout simplement celui-là qui est disciple, comme était Philémon et Timothée étaient au pied de celui qu'on appelait Paul. Donc, c'est-à-dire qu'ils apprenaient au pied de celui-là pour se parfaire dans la mission et le ministère qui était incombé par Dieu. Même comme il fallait qu'il soit éprouvé par le serviteur de Dieu qui était Paul. Donc, un disciple, c'est celui-là qui est appelé à devenir maître. Mais il passe par l'école. Et cette école a été donnée par un leader. Et c'est pourquoi moi, donc, comme je suis au pied dans une école, pour apprendre le ministère, je suis donc un pasteur aspirant. C'est pourquoi j'aspire à être. Et peut-être dans quelques mois, dans quelques années, effectivement, on dira le pasteur Evans. Avec la couverture toute blanche, même comme on peut déjà faire œuvre du ministère. Ah, est-ce qu'on peut acclamer vraiment cet engagement dans ce studio? Je n'acclamerai pas. Et vous savez ma position. On vous est très réfractaire. Oui. Mais là, n'est pas le débat. Peut-être d'entrée de jeu, on a peut-être fait cette fleur à Evans pour pouvoir nous expliquer ce que veut dire pasteur aspirant. Tu es également aspirante quelque part, Christine Maya? Non, je ne suis pas aspirante. Tu es aspirante mariée ou bien mariée déjà? Servante de l'Éternel. Voilà. Alors, on a eu trois approches de définition du vocable sacerdoce. Qu'est-ce que c'est que le sacerdoce? On a parlé d'appel, on a parlé de destinée, on a parlé de beaucoup de choses. Mais quand même, il faudrait retenir ici que ça doit être selon Dieu. Ça doit être selon Dieu. C'est-à-dire que si c'est l'appel, c'est Dieu qui vous appelle. Si c'est la destinée, c'est la destinée selon Dieu. Parce qu'il y a des personnes que Dieu, par exemple, aura appelées en tant que chantre, mais qui vont se plaire par exemple aux arts martiaux et se dire non, moi je préfère faire carrière dans le karaté. Là ça devient déjà autre chose. C'est-à-dire que la personne met sa volonté au premier plan au lieu de mettre la volonté de Dieu. Donc on comprend que la vocation en réalité c'est un appel ou alors c'est une destinée tout simplement divine ou alors divin pour parler de l'appel. Alors autre question, Christine Maya, dans ce studio pour et décortiquer ce thème jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. Oui. On parle de canalisation aussi, on parle de canalisation. Comment on peut canaliser ces différentes Evans Mabé? Peut-être tu as dit tout à l'heure que tu étais, je vais dire, aspirant. Ça veut dire que tu es forcément sous la doctrine ou alors sous, je vais dire, l'encadrement de certains aînés, pasteurs, évêques, prophètes, apôtres, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on peut encadrer ces différentes vocations? Effectivement, tout d'abord, il faudrait discerner qu'il y a une vocation en celui-là, ou du moins un appel divin, pour pouvoir ensuite, par a posteriori, simplement l'encadrer. C'est-à-dire quoi exactement? Vous savez, frère, les différents compagnonistes et vous, monsieur frère Franck Stéphane, de la même manière que Jésus-Christ, quand il venait sur terre, quand on ouvre la Bible dans le Luc chapitre 4 à partir du verset 18, il est clairement, tacitement dit ce à quoi Jésus est venu faire sur terre, ce pourquoi il est venu. Luc chapitre 4 à partir du verset 18 jusqu'au verset 25e est clair. On dit qu'il est venu pour une mission précise. Pareillement, quand on monte dans l'Ancien Testament, on arrivera à voir avec Samuel, 1 Samuel chapitre 9, verset 17, est clair aussi pour dire exactement la mission pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire Samuel. Donc celui-là maintenant, parce que vous n'avez pas la science infuse, il faut toujours passer par un canal. On ne peut pas naître grand. malheureusement, l'homme est un être extra-utérin. Donc, il faut donc qu'il apprenne, à la différence d'un animal, par exemple la poule ou le poussin, quand il naît, il marche déjà. Or, vous, vous êtes obligé, on vous a fait ce qu'on appelle une éducation. Donc, vous, automatiquement, moi, pour parler dans mon cas précisément, il faut que moi, on encadre dans l'appel qui a été discerné à moi, que bien Dieu sûr. A révélé à certaines personnes, y compris ma personne. Maintenant, pour que je puisse me parfaire dans la mission que Dieu m'a donnée, il faut que ces aînés-là puissent m'encadrer. Et l'encadrement, on peut se faire multidimensionnel. Il y a d'abord la Bible en elle-même qui est le référentiel par excellence des chrétiens. Donc, c'est selon les principes de la Bible que l'on m'éduque donc et que l'on m'apprenne comment est-ce qu'il faudrait que j'atteigne mes objectifs ou du moins que je réussisse dans la mission que Dieu m'a confiée, mais qui doit être approuvée, j'en viendrai par la suite certainement, par qui doit être approuvée. Ce n'est pas Dieu qui approuve une mission, ce n'est pas Dieu qui celle qui dit effectivement tu es bon, non. C'est clairement dit dans la Bible. On arrivera certainement avec les questions qui suivront. Okay. Oui, merci. Alors, merci beaucoup pour cette intervention, frère Evans. Oui. Mais j'aimerais, avant d'aller très en profondeur dans la direction que vous preniez, poser une première question. Parce que pour les jeunes aujourd'hui, c'est vrai, il y en a beaucoup qui se lancent dans le domaine sacerdotal, voilà, pour y exercer. Mais la question qu'on se pose généralement est celle de savoir, est-ce qu'effectivement Dieu les a appelés? Est-ce qu'effectivement Dieu leur a donné une mission? Et moi, à cette question, je veux nous poser la question, vous qui êtes... les panélistes. Voilà, les panélistes, je veux vous poser la question de savoir... comment un jeune peut discerner si oui ou non il a une vocation sacerdotale? Peut-être commençons par Élie Bertrand Tchabda et après on prendra l'avis également du prophète qui pourra nous dire comment il a su, comment Dieu lui a parlé pour lui dire qu'il est prophète, comment ça s'est passé. Parce que ce sera un exemple pour les jeunes aujourd'hui qui n'entendent peut-être pas la voix de Dieu. Donc on a, je vais dire, le privilège de les avoir dans cette question. Non, là c'est pour le prophète. Je suis frère. Vous êtes. Allez. Je suis frère. Alors, j'aimerais dire une chose déjà. Oui. Déjà, le thème, c'est jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. Oui. Et dans votre propos lumineux, vous allez souligner le fait que peut-être les gens ont trouvé là un tremplin pour avoir de l'argent. Bien sûr. Et malheureusement, le mercure du thermomètre moral de la décadence sauterait au niveau de 48 aujourd'hui, si l'on en teste la moralité de la jeunesse au milieu de l'Église. C'est force est de constater ces mésaventures et les dérives qu'on obtient ça et là dans différents camps des jeunes, des ministères des jeunes qu'on a aujourd'hui. Et c'est cela qui a amené ce thème sur le plateau. Alors maintenant, comment donc un jeune pourra savoir qu'il est appelé de Dieu? Première chose, la première règle de l'Écriture, c'est qu'il faut naître de nouveau. Et justement, beaucoup de personnes ne passent pas par la nouvelle naissance et ils s'auto-proclament. Et d'où cette chose-là que nous voyons dans les différentes dérives. Et lorsqu'on voit effectivement, on voit effectivement que dans la vie chrétienne, les gens qui sont devenus jeunes, qui sont entrés jeunes et qui progressent avec la grâce du Seigneur, comme Evans le disait tout à l'heure, là, que le socle, ce sont les Saintes Écritures. Nous allons voir effectivement que ceux qui ont roulé d'après les Saintes Écritures, qui ont marché d'après la règle de l'Écriture, n'ont jamais fait faillite. Mais la question maintenant devrait se poser. Pourquoi donc ceci arrive aux jeunes qui suivent la même Bible? Ça veut dire qu'il y a faille quelque part. Donc, il faut d'abord que les gens attendent véritablement l'appel. Tout à l'heure, là, c'était le cas de Tite et le cas de Timothée. Lorsque nous regardons le cas du frère Timothée, nous voyons effectivement que l'apôtre Paul l'a rencontré pour la première fois et l'a pris. Et la Bible déclare qu'on rendait beaucoup, tous les gens des encablures de lui rendaient des témoignages par rapport à sa foi en Jésus-Christ. Oui. Lui, dans le livre de Timothée, il va dire que cette foi-là habitait déjà en Loïs et puis à son aïeul. Donc, nous voyons effectivement qu'il y a un témoignage de la vie. Mais aujourd'hui, c'est la fornication à gogo, c'est le mensonge, la cupidité au milieu de l'assemblée. Et puis, les trains, ça veut dire qu'on est sorti du monde, on est en train d'avoir le même principe du monde sans être transformé par le Saint-Esprit. Ok, et Liberton Chablon, on ne peut pas quand même dire que c'est toute cette jeunesse qui est, je veux dire, qui est englobée dans cet art que vous venez de citer. On a des jeunes qui se lèvent aujourd'hui, qui sont de véritables serviteurs de Dieu, qui ne sont ni dans la fornication, ni dans le... Justement, vous remarquerez que je n'ai pas le cheval blanc dans ce studio, encore moins Evance. Donc, vous voyez effectivement que je suis un jeune... qui sait le Seigneur et cela depuis plus de 8 ans. Ok, merci, nous glorifions le Seigneur pour cela. La question qui était posée à l'homme de Dieu, le prophète, on parlait de comment savoir qu'on a été appelé. Appelé, voilà. Ça fait combien d'années que vous êtes dans lui? Ça fait 11 ans. Voilà, justement 11 ans. En tant que prophète, pasteur, j'ai été consacré après ma formation théologique en 2014. Ça fait déjà 2 ans aujourd'hui. Et le Seigneur m'appelle comme prophète, ça veut dire que comme Élie l'a dit, il faut naître de nouveau. Et quand tu nais de nouveau, tu reçois l'Esprit de Christ. Oui. Alors, moi, je n'aime pas ce que les gens racontent aujourd'hui. Je ne suis pas d'avis avec Élie sur le fait qu'on voit dans les églises. Ça dépend des conducteurs qui sont dans les églises. clair. Là où il y a des fornications, ça, c'est vrai. Il y a des hommes intègres. Oui, donc à un certain niveau, nous, en tant qu'enfants de Dieu, comme il a dit, bien déclaré, nous avons la parole, le socle de toute entreprise spirituelle selon l'évangile est basé dans les Saintes Écritures. Bien sûr. Alors, par rapport aux missions, nous avons l'Esprit de Dieu qui distribue des dons et des missions. Christ, avant d'envoyer ses disciples dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, il y a tout un discours qui dit, voici ce qui va se passer. Mm-hmm. Donc nous avons aussi des conducteurs comme pasteurs, prophètes qui ont la charge, qui ont reçu la mission par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle Éphésiens chapitre 4 détermine les dons du ministère. Bien sûr. Pour ramener des païens. Quand tu vois la mission apostolique dans les livres des Actes des apôtres, les apôtres arrivaient dans des localités au milieu des païens. Les païens recevaient le Saint-Esprit. Un pasteur, un prophète peut tenir une campagne d'évangélisation dans cette localité pour la gloire de Dieu, celui qui sait Dieu. Les païens, celles qui n'ont jamais même appris le béaba de la parole de Dieu, bien de l'Église, peuvent être visités par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Oui, selon les Saintes Écritures. Bien sûr. C'est-à-dire, si on regarde la mission apostolique, c'était ça. Donc, ça fait que c'est la même mission qui continue jusqu'à nos jours. Et à cette époque, il y avait aussi des hypocrites, parce que ceux et celles qui se plaisent dans la fornication sont hypocrites. Nous avons des serviteurs de Dieu qui sont hypocrites. Et Jésus, dans ses discours, déclarer, prononcer cette parabole, que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qui fait la volonté de Dieu? Moi, je ne peux pas, quel que soit la personne qui est en face, c'est Christ qui sait qui fait la volonté de Dieu, qui ne le fait pas. À un certain niveau. Bien sûr. Donc, les Saintes Écritures aussi nous démontrent par A plus B que vous les reconnaissez par leurs œuvres, à travers les œuvres. Ça veut dire que je suis pasteur. Si je produis des mauvaises œuvres, ça veut dire que je ne suis pas de Dieu. De Dieu. Les Saintes Écritures nous équipent par rapport au. Voilà. Je voulais pas le couper parce que c'était très intéressant. Mais avant que tu ne poses ta question, Christine Maya, Evans voulait réagir à ce propos. Avant, garde ta question parce que tu la poses juste après. Voilà, effectivement, je voulais réagir justement par rapport à cela. Avant de répondre effectivement à la question, c'est-à-dire comment discerner, etc., que vous avez été appelé ou pas. Je veux d'abord lire un passage qui dit dans Romains chapitre 12, à partir du verset 6, il est écrit au verset 8e, justement, la Bible dit, je lis, il dit, Romains chapitre 12, à partir du verset 6, il dit, puisque nous avons des dons différent selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui a été appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne la face avec libéralité, que celui qui préside le face avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde la face avec joie. Comme pour dire quoi exactement? Vous voyez que ceci est disparate, c'est-à-dire que c'est en fonction de tout un chacun. C'est différent, c'est pas la même chose. Le prophète a dit tout à l'heure, c'est des dons particuliers et spécifiques que Dieu donne à chacun individuellement selon son bon vouloir. Selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens 12 à partir du verset 4. Comme pour dire quoi? Moi je reviens donc sur la question en fait. Comment savoir? Moi je ne suis pas d'avis avec mon frère Élie qui pense, ou alors qui voudrait toujours nous ramener à l'amateurisme. Non, je refuse ça. Moi je pense qu'il faudrait qu'on amène les chrétiens à la maturité spirituelle. Donc il faudrait tout un chacun pour comprendre ou alors savoir discerner votre appel. Que vous soyez Luc chapitre 5 clair à partir du verset 3. Retirez-vous, grandissez spirituellement. Ça dit, il dit, il se retira, interrogea le Seigneur. Même Luc chapitre 6 à partir du verset 12 le dit. Donc allez demander à Dieu, qu'est-ce que tu m'as envoyé faire sur la terre? À part la dominer tout simplement selon Genèse chapitre 1 verset 26. Tu demandes à Dieu pourquoi tu es venu sur la terre. C'est simple. Ne marche pas simplement comme le vent te souffle, la bite va à gauche ou à droite, tu suis la direction du vent. Non. Demandez, grandissons, questionnons le Seigneur pour savoir quel est notre domaine d'appel. Et en fonction de ça, travaillons donc en fonction pour accomplir ces destinées-là. C'est aussi simple. Merci, Evans Mabey. Donc, il n'y a pas que dans les églises des fornicateurs, il n'y a pas que dans les églises. Non. Et moi, par exemple, je suis venu au Cameroun en 2007. C'est en 2011 que j'ai été introduit et que je suis suivi avec minutie par mes leaders. Pour être aujourd'hui ce que je suis, après déjà quelques années, je sortirai par la grâce de Dieu. Ok, alors Christine Maya, vas-y. Oui, je retiens de l'intervention de Evans que pour connaître, si on a une vocation sacerdotale, il faut se retirer et chercher Dieu. Amen. Oui, bien sûr, parce que c'est Dieu qui donne la direction. Amen. Oui. Exactement. Voilà, maintenant la question que j'ai envie de vous poser à vous, nos panélistes ici, c'est celle de savoir, lorsque l'on a même discerné cette vocation, est-ce que l'on devrait évoluer tout seul dans l'exercice de cette vocation ou alors est-ce qu'on peut se faire assister? Non, pas forcément, je crois qu'il faut un peu nuancer. Est-ce qu'il y a des cas où Dieu favorise qu'on se fasse accompagner par un leader spirituel, voilà, ou alors il y a des cas où Dieu peut permettre qu'on évolue, tout seul. Voilà, je crois que ça c'est la question. Oui. Et puisqu'on a des personnes ici, par exemple le prophète, oui, quelle a été votre expérience personnelle? Mon expérience personnelle par rapport à la parole de Dieu. Quand tu le livre des Actes au chapitre 2 à partir du verset 17, le Seigneur dit: répandez mon esprit sur tout chair. Vos fils prophétiseront. Ouais. Alors, quand j'ai reçu l'appel de par rapport au don de prophétie, oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai reçu l'Esprit de Dieu après avoir posé l'acte de la nouvelle naissance. Bien sûr. C'est-à-dire que si je vois Franck Stéphane m'envoie avec cette tenue, le lendemain, je te vois avec cette tenue, selon ce qui est écrit. Oui. Donc, j'ai commencé à donner des messages, oui, par rapport au don de prophétie. C'est-à-dire, selon ce qui est établi dans la parole de Dieu. Et c'est Dieu qui l'a dit. Mmh. Donc, tout ce que Dieu a dit, aucun homme, quel que soit ce qu'on peut dire, on va nous taxer de tout, des vendeurs d'illusions, ainsi de suite. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. Alors, homme de Dieu, permettez que je vous coupe. Alors, quel a été votre enseignant? Parce que vous avez expliqué dans votre propos liminaire que vous avez reçu le don, je crois, ça fait 11 ans. Vous savez que c'était en 2004. Le véritable problème, c'est quoi? Oui. Pour recevoir le don, il n'y a pas... C'est-à-dire, il suffit seulement qu'on se retrouve dans le cadre là où il y a la manifestation de l'Esprit de Dieu pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. Donc, à l'époque, j'étais avec le pasteur Ezo. À l'époque, ça dit, et tout. Donc, ça fait que c'est là où ce n'est pas les leaders qui donnent l'Esprit de Dieu. D'accord. On se retrouve dans une assemblée et le Saint-Esprit nous saisit. Et là, on peut rendre compte aux leaders que voici cette manifestation, ainsi de suite. Et pour savoir que ce leader est de Dieu, il doit se référer aux Saintes Écritures. Aux Saintes Écritures. OK. Alors, je crois qu'on a quand même plus ou moins la réponse. Ça veut dire que vous étiez encadré par ce pasteur. Voilà. Et après, avec votre le ministère qui vous a été attribué, c'est le Saint-Esprit qui a continué. Ça fait 11 ans de ministère. Parce que quand Dieu envoie un serviteur, il suscite toujours un peuple tout autour de ce serviteur. Ouais. On voit depuis Moïse jusqu'à nos jours. Okay. Oui. Dieu ne peut pas t'envoyer à mission sans susciter un peuple qui t'accompagne. Bien sûr. Ok. Je peux témoigner quand même de lui. Élie Bertrand Chalda, on ne va pas discuter. Oui, oui, oui. Oui, je sais que vous avez vraiment le feu. Regardez, je suis calme. C'est Evans m'appelle qui est en feu là. Mais je vais rebondir déjà sur le propos de sa chute. Pour dire que Le thermomètre pour mesurer le fait que ce soit des dieux n'est pas le fait qu'il y ait la foule ou bien le peuple, parce que les faux prophètes également en ont, puisque la foule va justement vers le faux prophète. Oui. Mais par rapport aux Saintes Écritures, avant que vous ne posiez la question, puisque je suis en train de réagir sur le même sujet, je vais l'appeler jeune frère parce qu'il est assistant pasteur. Vous avez reconnu que vous n'étiez pas pasteur. Non, j'ai dit mon jeune frère. Je sens que vous allez me tuer dans ce studio. Mais il m'a dit ceci. Il a dit qu'il n'est pas d'accord avec moi et pourtant il est en train de réitérer même chose que j'ai dit. J'ai pas dit qu'on ne se retire pas pour chercher Dieu. Vous avez posé la question, comment faire pour savoir? J'ai dit le début, c'est la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas commencer à chercher Dieu. Enfin, même si vous cherchez Dieu étant païen, il va vous conduire d'abord. La première étape, c'est la nouvelle naissance. Lorsqu'on est né de nouveau, ce n'est pas nous qui obtenons le don. Le don vient par le Saint-Esprit. La Bible déclare qu'un seul esprit, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et Dieu dispatche les dons selon les appels qu'il a pour lui. Mm-hmm. Et donc, les appels, donc, il y a deux styles d'appels. L'appel donc prédestiné avant la fondation du monde, c'est-à-dire c'est à quoi Dieu t'appelle. Puis maintenant, l'appel qui est donné par l'évangile, parce que l'évangile va être prêché pour que vous veniez donc à Christ, pour pouvoir commencer à exercer ce à quoi Dieu vous a appelé depuis. C'est-à-dire que c'est à quoi Dieu vous a mis à part. Mm-hmm. Maintenant, c'est dans le Saint-Esprit, étant incorporé dans le Saint-Esprit, qu'on obtient donc ces choses-là. Mm-hmm. Donc il n'y a pas de relation, de révélation pour pouvoir savoir c'est à quoi vous êtes appelé sans le Saint-Esprit. Ok, alors, Élie, on prend maintenant à chaud la question que Christine Maïa a posée. Oui. Est-ce que par la volonté de Dieu, on peut se faire encadrer par un leader spirituel, oui, ou alors Dieu détermine seulement qu'on évolue en solitaire? Alors maintenant, si vous me posez la question, et que vous me laissez un peu de temps de m'exprimer avant que vous ne me laissiez dans cette situation. Oui, le chrono est lancé. Donc, lorsque nous voyons dans la Bible, nous allons voir effectivement que Dieu, comme il a cité dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 11 et suivant, les cinq ministères, il y a des ministères d'édification et de perfectionnement. Dans ce livre d'Éphésiens, il est question des cinq ministères qui doivent être dans l'église jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne, jusqu'à ce que l'église soit, que les chrétiens chrétien arrive à la maturité. Donc cela montre effectivement qu'il y a des gens qui sont, doivent être là pour enseigner les autres. Bien et sûr. Ceux-ci doivent être catapultés par le Saint-Esprit dès le départ pour qu'on ait la volonté de Dieu afin d'injecter dans les chrétiens. Et de ne pas détourner, ouais, détourner ce qu'ils enseignent. En fait, c'est ça, c'est là c'est les limites qu'il faut prendre là maintenant. Ça veut dire ceux-ci, que vous répondez déjà à la question. Oui, on peut avoir des cas où on a des leaders spirituels. La seule condition, c'est qu'ils soient enseignés ou alors, je vais dire, connexion avec le Saint-Esprit. C'est là où je vais en venir. Je vais dire ceci, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, nous, ce que nous observons, qu'il admet ou pas, parce que je suis en train de parler des chrétiens fornicateurs et autres là-bas, c'est ce que nous observons sur le plan. Nous sommes en train de dire que c'est ce qui est souhaitable. Nous sommes ici pour parler afin que ça se corrige. Ce n'est pas la norme. La norme des enfants de Dieu, c'est la vie de sanctification, de sainteté. Le petit amétisme, les soubassements, les divorces, ça doit disparaître du milieu chrétien. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais ce que je suis en train de dire, c'est ceci. C'est qu'en réalité, il y a un corps, un groupe humain. Un groupe des anciens dans l'église appelés apôtres, prophètes, anciens, ainsi de suite, qui sont établis par le Saint-Esprit pour enseigner les chrétiens à grandir afin d'entrer dans leur propre ministère. Oui, oui. Vous me suivez, n'est-ce pas? Mm-hmm. Alors, c'est différent de l'école théologique. C'est différent des enseignements théologiques. Là, maintenant, on peut amener faire les distinctions sur le plateau, mais je vais dire que le cadre de l'église, c'est qu'il y a, donné, il y a des hommes que Dieu a formés seul à seul et qui les envoie. Par exemple, l'apôtre Paul n'a pas reçu une formation. Je sais, vous me comprenez. Il dit l'apôtre Paul n'a pas reçu une formation des hommes. On pourrait le dire ainsi parce que lorsqu'on sait que l'apôtre Paul a travaillé avec Gamaliel. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun enseignement qu'il a reçu de Gamaliel. Il dit dans ses propos que l'évangile que vous avez prêché n'est pas d'un homme. Ça devait être suffisant là-bas. Je crois que vous avez répondu. Oui, arrêtez, je vais chuter maintenant en disant ceci. Il y a donc des gens dans la Bible que Dieu appelle directement. Les formes pour qu'ils partent former les autres, pour être comme un relais. Mm-hmm. Et il y a d'autres maintenant qui doivent recevoir les enseignements des autres. Ça ne fait pas d'inégalité dans ce corps-là. Chacun a seulement sa place pour communiquer le don qu'il a reçu. Ok, encore, je crois que la question a été répondue. On a compris que les deux positions sont possibles devant Dieu. On peut être enseigné par un leader comme on peut être conduit directement par le Saint-Esprit. C'est vrai qu'il y a voulu sortir un peu du débat en proposant un autre débat pour une autre émission. Je l'ai bien noté au niveau des écoles de théologie, ainsi de suite, quel enseignement est dispensé. On pourra faire ce débat. Evans Mabet, vous voulez réagir? Oui, je voulais réagir tout simplement. En fait, juste te dire que... vraiment, vous allez m'excuser. Il y a depuis un bon bout de temps d'un certain courant qui sort là, qui refute complètement, c'est-à-dire que l'encadrement et qui refute ici, c'est-à-dire que ça fait preuve d'un certain égoïsme, d'une certaine donc en solitaire, c'est-à-dire d'un individualisme en fait. Et c'est pas bien dans l'Église. Il faudrait que nous comprenions. Je voudrais lire un passage là. Allons-y rapidement. Je voudrais lire, juste pour dire que effectivement, la Bible nous dit clairement dans le livre, c'est le livre de 1 Timothée chapitre 3 verset 10, c'est un seul verset. 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 10, ou alors le verset 10, excusez-moi. Il dit clairement, je lis, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. C'est-à-dire quoi exactement? Vous comprenez avec moi, on a bien dit, qu'on les exerce d'abord. Et quand les éprouve, qu'on les éprouve d'abord. Vous voyez, ce n'est pas Dieu qui éprouve, non. Qu'on les éprouve d'abord. Ouais. Ce sont les hommes des encadreurs. Voilà. Et on dit ensuite qu'ils exercent le ministère. Donc, s'ils n'ont pas encore été encadrés, le ministère ne devrait pas faire l'œuvre d'apparition. Il ne devrait pas exercer un ministère quelconque. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas Dieu qui approuve le ministère d'un homme, non. Quand Dieu t'a donné le don, quand Dieu t'a donné la capacité et les potentialités pour que tu exerces, il faudrait a priori que tu fasses d'abord au préalable encore que les autres t'encadrent, qu'ils étudient et qu'ils t'éprouvent pour voir si tu es sans reproche. Si oui, tu es sans reproche, alors tu peux donc, ce sont des démonstrations mais mathématiques, et tu peux donc alors maintenant exercer ton ministère. On n'a pas dit leur ministère, c'est ton, mais pour que tu fasses ton, il faudrait qu'eux, ils t'encadrent d'abord. Et qui t'éprouve, ce sont eux qui t'éprouvent. Comme pour dire mon frère Eli, moi je pense, et c'est pour conclure sur cette question-là, qu'il faudrait automatiquement de nos jours que nous revenions au pied de nos maîtres. Quand je dis le maître c'est Jésus-Christ. Mais il a délégué, c'est une autorité déléguée qu'il donne à certaines personnes qui sont nos leaders pour nous encadrer afin que nous devenions nous aussi des maîtres demain. Il dit jusqu'à quand serez-vous des petits-enfants? Quand est-ce que vous deviendrez des maîtres? On ne devient pas, on devient maintenant. Ça veut dire, pour conclure, il faudrait, selon 1 Timothée 3, verset 10, qu'on nous éprouve d'abord et ensuite qu'on nous donne dans la capacité et l'amabilité de pouvoir exercer notre ministère. Voilà. Alors, effectivement, on a répondu si son propos là, je sors tout juste là. Dans 1 Timothée chapitre 3, dans ce verset, il est question des diacres. Les diacres doivent être éprouvés. Ce n'est pas tous les ministères qu'on doit éprouver. Ce n'est pas écrit comme ça. Ce n'est pas que les diacres. Je vous en prie. Alors on parle de jeunesse et sacerdoce, vocation et simple distraction. Et on est en train ici de montrer comment la jeunesse devrait normalement être appelée, comment la jeunesse devrait être conduite, soit par un leader, soit par le Saint-Esprit lui-même. Oui. Donc, on est effectivement dans le déroulement de ce thème. Et la troisième question, la énième question qui sera posée ici, elle est aussi importante parce qu'on parle du ministère des femmes. Exactement. Et Christine Maya, je crois que tu as, en tant que femme, tu peux mieux placer pour poser cette question. Je me sens d'ailleurs très concernée par cette question. Donc, comme Franck le disait, on va s'intéresser aux femmes. Aujourd'hui, le ministère des femmes est contesté. Il y a un groupe de croyants qui pensent que les femmes ne pourraient pas exercer, ne pourraient pas avoir... Des jeunes femmes, parce qu'on parle de la jeunesse, des jeunes femmes. Oui, les jeunes femmes ne pourraient pas avoir une vocation sacerdotale. Maintenant, la question que moi je vous pose dans ce studio est celle de savoir, est-ce que selon les Saintes Écritures, une jeune femme pourrait avoir une vocation sacerdotale? Voilà, je m'adresse à vous, prophète Guillaume. Moi, je suis d'avis, quand je lis les Saintes Écritures, qu'une jeune femme peut exercer le ministère. C'est Dieu qui dit, qui décrète. Nous, j'ai cité le livre des Actes ici. Également, Joël. Oui, Joël. L'Esprit de Dieu sur toute chair. Il dit sur toute chair. Oui. Ça veut dire que toutes les chairs, que ce soit hommes, femmes, concernées. Voilà. Donc, on est d'accord. Oui. Oui, on est d'accord là-dessus. Il dit fils et vos filles prophétiseront. Éphésiens 4, que je cite depuis, ressort dans le ministère prophétique. Ça veut dire qu'il y aura parmi nous des prophétesses. Dans l'ancienne alliance, on voit les femmes qui ont intervenu, qui ont travaillé pour Dieu. Déborah, par exemple. Qui a marqué son temps. Et quand tu vois... C'est une femme qui met de l'eau dans le moulin de l'homme. Et quand tu vois l'avenue de Jésus-Christ, c'est-à-dire dans Jean chapitre... Jean chapitre 3. C'est-à-dire, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils pour que le monde soit sauvé, ainsi de suite. Oui. Et il dit, si tu crois... Il n'a pas fait la différence que si les hommes croient. Il dit, si tu crois, je crois au nom de Jésus, quel que soit mon sexe. Oui. C'est-à-dire, je suis déjà sauvé. Et je peux exercer au nom de Jésus-Christ. On ne peut pas croire au nom de Jésus sans exercer. Donc, ne serait-ce que ça, moi je pense. Vous savez tout à l'heure que j'avais choisi. Celui qui a choisi, c'est ce qu'il avait. Maintenant, regardons. Vous avez compris la question. J'ai compris bien la question et je me sens vraiment bien dans cette question-là maintenant. Ok. Le prophète Guillaume, je n'ai pas formé des gants pour pouvoir boxer là maintenant, boxer avec les Écritures. Dans Actes chapitre 2, verset 17, dont vous avez cité, c'est la prophétie de Joël que vous avez cité dans votre introduction également. Bien sûr. Ce qu'il veut d'abord dire avant de continuer, c'est que le Saint-Esprit ne change pas le sexe de quelqu'un. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas qu'on confonde les alliances. Et j'ai dit chaque fois dans ce plateau. Parce qu'il a parlé maintenant le fait que l'accomplissement de ce livre de prophétie. Je peux répondre parce que Dieu n'est pas dépassé. Sur le fait, dans les évangiles, Jésus dit je suis un avec mon Père. Amen. Donc il est hors de question qu'on me dise que c'est que le Père a dit et c'est le Père qui envoie le Christ en mission. Ça chauffe là maintenant. Ça chauffe là maintenant. J'ai pas encore fini. Juste pour vous dire que. Il n'y a pas de différence entre ce qui a été dit dans les temps anciens et ce qui a été dit dans les temps nouveaux. Temporaire. Vous voyez, maintenant, s'il dit maintenant qu'il faut que j'apporte le sacrifice de tutelle chez lui, il refusera. Par exemple, s'il apporte le sacrifice de tutelle dont t'as ordonné le Seigneur, il va refuser. Si il dit par exemple qu'il vient faire le sacrifice des béliers chez lui, quand on brûle là-bas pour que, que ce soit une agréable au Dieu devant l'Éternel, il va refuser. Il va me dire que c'est accompli en Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que tant qu'on ne fait pas la distinction entre les deux alliances, on va toujours se noyer comme ça. La première chose, c'est qu'il y a des choses qui sont dans l'ombre, les choses qui sont accomplies en Christ. Et maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ se tient dans Matthieu chapitre 16, il dit je bâtirai mon église, une futuriste. Mm-hmm. Et nous sommes dans ces futurs dont je puisse parler. Mais permettez-moi de développer. Les prophètes, ils ont annoncé le futur. Et ce que les prophètes, c'est prophète, que Élie a annoncé et prophète, 800 ans avant la il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Alors, Élie, allez-y. Il faut que je développe. Oui, allez-y. Ce que je t'en ai dit, c'est. Si on ne fait pas un distinguo entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance par rapport à ce que l'ancienne alliance montre en type ce qui devrait venir, mm-hmm. nous sommes dans la réalité de ce qui avait été annoncé par les prophètes. Mm-hmm. Et l'une de ces réalités, donc, c'est Joël chapitre 2 qui s'accomplit dans Actes chapitre 2. Oui. Voilà. Alors, lorsque le Saint-Esprit vient dans l'église, la naissance de l'église est là. Mm-hmm. Et donc, tout à l'heure, mon frère Evans a cité le cas de 1 Timothée 3 qui parle de l'établissement des diacres et des évêques dans l'église. Dans l'ancienne alliance, il n'y a pas de diacres, il n'y a pas d'évêques. Il n'y a pas d'apôtre dans l'ancienne alliance. Allons-y à la réponse. Je sais qu'il y a la réponse maintenant. Oui, ça veut dire qu'il ne faut pas faire le ping-pong entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament règle le problème de l'Église. Et dans le cadre de l'Église, il est écrit que dans l'Église des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Non, je ne suis pas David. Ne sois pas David, c'est ce que la parole dit. Permettez-moi de parler. Permettez-moi de parler, fini. Il y a des tumultes dans l'Église des Pèses et pour les parties régler ce problème. Ok, à l'Église des Corinthes, elle dit la même chose. Permettez-moi. Permettez-moi, je pose une question directe. Oui, est-ce qu'une femme peut prophétiser? Est-ce qu'une femme peut chasser des démons? Absolument. Est-ce qu'une femme, vous dites, elle peut prophétiser? Absolument. Elle peut guérir des malades? Absolument. Elle peut parler en langue? Absolument. Et pourquoi vous comprenez les différents dons spirituels au service du ministère d'Arabie? Bon, maintenant, ça veut dire que permettez de parler au bout, soit on étouffe et que je ne parle plus. Allez-y, allez-y. Parce que le prophète, je lui ai dit que je vais le boxer sans les gants là maintenant. Allez-y. Je lui ai dit ceci, la règle de l'église est claire. Lorsque vous avez parlé, parler en langue, mm-hmm. c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12 qu'il est réglé. Il n'est nulle part dit, par exemple, dans une autre épître, comment on doit parler en langue. C'est aux Corinthiens qu'on nous enseigne comment parler en langue et l'ordre dans l'église. Et dans cet ordre dans l'église, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 37, il dit si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, comme il est maintenant, qui reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Mm-hmm. Le verset 33 dit que, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises aussi, comme le dit la loi. Il renvoie dans la loi pour dire que dans la loi, c'est la même chose. Il dit que, est-ce de chez vous que la parole est venue? Ou bien est-ce que c'est vous qui s'est sorti? Après, je cite cette parole-là, que si quelqu'un croit être prophète ou enseignant, qu'il reconnaît que c'est un commandement du Seigneur. Ça, c'est à Corinthe. À Éphèse, il dit la même chose. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Puis il explique le pourquoi il ne permet pas. Il dit, parce que le problème, c'est au commencement, par rapport à ce qui arrive à la Genèse. Ça, c'est Paul qui dit. Ce n'est pas Dieu qui dit. Mais il a dit, c'est un commandement, le Seigneur. Il a dit, c'est un commandement. Voilà, mesdames, c'est le prophète. C'est Paul qui a dit. Prophète, permettez-moi, je chute là, je m'arrête là. C'est Paul qui a dit qu'il faut parler en langue. Ne refusez pas la langue. Ok, bon, je vais essayer d'éclaircir les choses parce que par rapport à la question, Élie, tu es tout à fait d'accord qu'une femme peut avoir les dons absolument. Spirituels. Absolument. Nous avons parlé du don de prophétie, absolument. Du don de parler en langue, absolument. Du don de guerre. Vous êtes tout à fait d'accord. Absolument. Mais là où vous n'êtes pas d'accord, c'est que la femme ne puisse pas se tenir à l'assemblée et prêcher. Est-ce que c'est 100% ce que l'écriture déclare. Bon, et moi, la question que je me pose encore, comment une femme qui a le don de prophétie, qui a le don de guérison, qui a le don de parler en langue, ça veut dire qu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, ne peut parler... pas aussi on pourrait... proclamer la parole de Dieu puisque c'est le même esprit qui n'est pas divisé. Il faudrait que je dise un mot à moi, est-ce qu'on veut que... Oui. Voilà. Allez, Evans. Tout simplement, moi, je veux dire une chose, elle est simple. Vraiment, je ne voudrais pas contredire qui que ce soit, encore moins la parole de Dieu, parce que je dis encore, la parole de Dieu, c'est qui, je dis, le recueil de livres qui est là, ce n'est pas l'entièreté de la parole de Dieu. Parce que les remarques qu'on nous donne dans les églises, les visions que le Seigneur donne et qu'on nous explique aujourd'hui, ne sont pas toutes codifiées dans la Bible, dans le livre qui est devant moi. Mm-hmm. Comme pour dire quoi? Mais pourtant, c'est le Saint-Esprit qui passe. Parce que voilà, pour nous parler. Donc, nous ne nous limitons pas à ce qui est codifié là. Par contre, on dit le Saint-Esprit viendra. Vous rappelez tout ce que je vous ai prescrit. Vous enseignerez dans toute la vérité. Vous annoncerez les choses à venir. Vous convaincra du jugement, de la justice et de la vérité. Comme pour dire quoi? Paul a dit, c'est vrai. Il a bien dit, c'est un commandement du Seigneur. Mais je ne pense... Je vais mettre une nuance à quelque chose. Un bémol. Le bémol, c'est quoi? Je prends tout simplement une petite analogie. Une anecdote, c'est quoi? Sur les voiles, par exemple, j'avais parlé ici une fois sur l'histoire des voiles et consorts. Pourquoi est-ce que ça a été dit? Ou alors pourquoi ça a été écrit que c'est un commandement du Seigneur? On dit à l'époque, dans le temps, et c'est pour celui qui comprendra, ça comprendra pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les femmes peuvent prêcher dans les églises. Il dit, comment ça se passait à l'époque en Israël? On disait clairement, les femmes tout était de, c'était par le vestimentaire que l'on reconnaissait une femme chrétienne ou alors si elle n'est pas chrétienne ou pas. Pourquoi? Les veuves avaient un vestimentaire à part entière. Les femmes, malheureusement, je vais dire ce mot comme ça, des vierges avaient eu un vêtement à part entière. Les femmes célibataires, yeah, mariées avaient des vêtements à part entière. Donc, au vestimentaire, on pouvait reconnaître qui est prostituée et qui ne l'est pas. C'est clairement dit, même quand on voit encore la femme du fils de Judas, on voit clairement dit, il y avait le vêtement de la veuve. C'est clairement dit. Mm-hmm. Comme pour dire quoi? Pour faire la différence, donc, parce que Paul prêchait à tout le monde, prostituée comme célibataire, comme veuve, etc. Quand tu deviens donc enfant de Dieu, comme la gloire de la femme, c'est les cheveux, il dit donc, pour que justement, il fait un distinguo aussi, que nous portions dans les voiles. C'est comme ça qu'à partir du voile, donc, on pouvait distinguer que voilà une chrétienne là-bas. C'est la même chose ici. Pour dire quoi? Ce n'est pas aujourd'hui. Les prostituées pour les foulards, les veuves pour les foulards, tout le monde pour les foulards. Donc, ce n'est plus au vestimentaire qu'on peut reconnaître quelqu'un. C'est pas au vestimentaire. Comme pour dire simplement, avec cette question-ci pour chuter, est-ce qu'une femme peut prêcher dans une église? Pourquoi c'était, est-ce que c'est pas un commandement du Seigneur? Si, c'est un commandement du Seigneur. Mais, qui était contextuel. Un livre, je le rappelle, Erdeschim, il a dit, le titre de ce livre, de cette œuvre, c'est Culture in Time of Jesus Christ. La culture au temps de Jésus-Christ. S'il vous plaît, chrétiens, lisons. S'il vous plaît, chrétiens, documentons-nous. Comprenons le contexte d'écriture des choses. Et afin de ne pas faire en fait des dogmes, comme par exemple mon frère, il est en train de dire aujourd'hui, que ça doit, c'était un commandement qui avait été dit, c'était un commandement, c'est vrai, mais attends, c'est qui avait, c'était à ce moment-là. Aujourd'hui, tout le monde porte, il porte le gars, il n'est pas musulman, je ne pense pas. Comme pour dire tout simplement, s'il vous plaît, lisons, méditons, les femmes peuvent prêcher. Moi, une femme, Josh Meunier, quand elle prêche à la télévision, je suis béni. On ne va pas me dire que parce qu'elle ne doit pas prêcher, je vais continuer de trouver le coupé. Non. Alors, les femmes, vous avez la parole dans les églises aussi, et vous bénissez les âmes. C'est pourquoi nous sommes aussi sauvés par vous, gloire à Dieu. Dieu, mais c'est que tu n'es pas le Saint-Esprit. Mais je vais te dire, permettez-moi. Il n'est pas le Saint-Esprit, donc il a des compliqués. Ne permettez-moi de réagir sur quelque chose. Et lui, Bertrand Chabda. Permettez-moi de réagir. Allez-y. Je passe la parole, vous allez vous dire le cœur. Je vais dire quelque chose. Dans 1 Corinthiens 14, voici donc l'endoctrinement qu'on en fait avec le livre dont il lit. Regardez très attentivement. Je vais dire que je suis même attentivement. Oui. Il dit que c'est bien sûr que c'est un commandement du Seigneur, mais c'est contextuel. Or, ce n'est pas le verset par rapport à la femme qui parle du commandement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas par rapport seulement au verset du fait que la femme doit se taire dans les assemblées qui parle du commandement. C'est dans tout le chapitre de 1 Corinthiens 14 qui parle, où on parle de Balaam, le don de prophétie. Donc, dans ces cas, contextualisons aussi les dons de prophétie. Ne prophétisez pas parce qu'il a dit c'est un commandement. Il dit que quelqu'un croit être prophète ou enseignant, qui reconnaît ce que je viens d'écrire. Il vient d'écrire, il a commencé depuis chapitre 1 jusqu'au chapitre 14. Il conclut que c'est un commandement du Seigneur. Cessez de parler en langue. Cessez d'éclamer les dons spirituels. Cessez cela. Parce que c'est contextualisé. J'arrive, je sais pourquoi ils sont les 10 là. Okay. Parce qu'en réalité, on essaie de chercher les épaches chapitres. Il a pris le cas de la femme de Judas. Non, Rebecca également, lorsqu'elle a vu Isaac, son mari, il a pris le volet, s'est couvert. C'était pas une prostituée. Donc nous sommes dans le cadre de l'église. Ça, c'est un. De deux, la faute pour ne s'adresse pas aux juifs. Vous parlez de femmes juives, ce n'est pas aux juifs qui l'ont décédé, c'est à l'église de Corinthe. Ce sont les Grecs. Corinthe, mon cher ami, pour vous le savoir, c'est au port oriental de Corinthe. C'est la ville future. Entre Paul et Jésus, qui est plus grand? Il n'y a pas de comparaison entre le disciple et son maître. Dans ce cas, il ne plus S'il fallait que nous obéissions mot à mot à ce que Paul a dit, voilà, ce mariage plus la parole de Dieu ne s'accomplira pas. Mon frère Mabel ne fâche pas, il dit clairement la vérité, fâche pas. Il a dit que chacun détient le Seigneur, ne veut pas comme ça qu'on ne se marie pas. Il a bien dit que si quelqu'un veut se marier, qu'il fait le bien. Il mérite celui qui ne se marie pas, il fait bien. Il a dit ça, donc ne fuyez pas. Juste avec le prophète ce soir, c'est quand même terrible qu'on lit la différence entre les dons de prophétie et le ministère prophétique dont on parle Éphésiens chapitre 4. Donc je suis de la plus loin. Ok, alors beaucoup de pistes de d'émission. C'est pas sûr qu'on pourra. On pourra terminer cette émission en une seule phase. Ok, ça fait deux contre un. Vous êtes d'accord que les femmes prêchent? Evans également est d'accord. Élie Bertrand, lui, il est. Lui, il a dit que ce qui est contre n'est pas suffisant, mais ce qui est clair, c'est qu'il est littéralement. Non, on ne dirait pas la lettre, mais l'esprit vivifie. Oui, mais l'esprit a dit clairement que la femme, c'était. Il n'y a pas d'interprétation là-dessus. Ok, bon, ok, on évolue dans ce. Moi, j'ai envie de poser quand même une question au frère Élie. En tant que femme, on te le dit. Non, je sais pourquoi il a même posé en tant que femme. Je veux poser une question, oui. C'est de savoir, est-ce que tu crois qu'une femme pourrait avoir le don d'enseigner? Non. Tu n'as jamais été béni par. Je ne veux pas être béni par. Je voulais dire, permettez-moi de le dire. Franck Stéphane, je le dis en off, je le dis maintenant ici. Dans une émission ici, je lui ai dit qu'elle invite une femme pasteur, je suis là, je ne viendrai pas. Si je suis en studio, il y a une femme pasteur, je sortirai. Donc en réalité, ce n'est pas le ministère de la femme, il faut qu'on soit ça clair. On est en train de badiner avec la parole du Seigneur. Misogyne, Non, ce n'est pas le problème de misogynité. C'est pas le problème de misogynité. Il faut que l'écriture soit dit clairement. Je vous pose la question simple. Lorsqu'on dit que ceux qui parlent en langue, on parle en langue en vertu de quoi? Parce que c'est écrit littéralement. C'est écrit littéralement que les femmes se taisent. Pourquoi chercher les musées à 14h? Pourquoi chercher la culture derrière le fait qu'on a dit que la femme se taise? On a dit que dans l'église du Seigneur, on n'a pas dit dans l'église contextuelle. Paul vient intégrer ce que Jésus a prévu, puisque c'est Jésus, c'est lui qui fait la promesse de l'Esprit. Dieu merci, Dieu merci, l'apôtre Paul a cité en disant que, comme le dit aussi la loi, dans la loi, il n'y a pas de femme dans le sacerdoce. Bon, ça devait vous faire tiquer. Il y a quelque chose quand même qui me vient, peut-être c'est par révélation. Je me rappelle que quand Jésus-Christ ressuscite, c'est une femme qui annonce la bonne nouvelle. Amen. Aux hommes. Amen. Elle a dit ça tout à l'heure, prophète. Maintenant, je recommence encore une fois de plus. La Bible a ses règles, l'Église a ses règles. Je vais vous dire, nous sommes en train de parler de l'Église du Seigneur. Si le Seigneur qui a été sorti, que c'est les pigeons qui ont proclamé, les pigeons devaient être les prédicatrices aujourd'hui. Si c'était les jardiniers, si c'était les enfants, ils devaient faire. Elle n'a pas apporté la bonne nouvelle. Il a dit, allez rappeler à mes frères. Si c'est tel l'enseignement, alors qu'il faut que les femmes voient un chrétien, lui dit que Jésus est sorti du tombeau, puisque voilà la règle. Vous pouvez également dire que c'est la femme samaritaine qui allait dire en Samarie. Dans ce cas, prenez la femme samaritaine. Vous tournez la Bible, vous en êtes tourné la Bible. C'est écrit clairement dans l'église que les femmes étaient dans les assemblées. C'était dans les assemblées. Si les hommes étaient mal faits, comment faire les pierres? Parce qu'aujourd'hui, quand on pose la question, la Bible est remplie du ministère de la femme. Vous comprenez? Si tel est le cas, c'est que Jésus est venu sauver seulement les hommes. Ok, vous comprenez? On ne parle pas du salut là. Lorsqu'on intègre. Le problème, c'est quoi? L'évangile. Permettez-moi, je vais vous donner la parole. Lorsque nous prenons, n'essayons pas de fuir des propos. C'est dans l'église que nous trouvons. Donc on suppose que les gens ont déjà obtenu le salut. Ne fuyons pas ces choses-là. Le problème, c'est qu'il y a une règle dans l'église. La Bible déclare que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. L'apôtre Paul dit qu'avant qu'il ne vienne, il faut qu'on sache comment se comporter dans l'église. Et la Bible déclare que ce sont les fondations qu'ils ont posées. On ne peut pas comparer Jésus-Christ avec les apôtres parce qu'ils ont reçu cette commission-là du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, on revient. Merci pour cet échange entre Élibert Tchabda et, je n'ai pas dit houleux, entre le prophète Georges Guillaume. On parle de la jeunesse et de sacerdoce, vocation ou simple distraction. Quand nous parlons de jeunesse, nous savons, on aborde le pan des femmes parce qu'on sait que des femmes jeunes peuvent se sentir appelées. Exactement. Et vont forcément, par le biais du Saint-Esprit, prophétiser, imposer les mains aux malades, faire des miracles, ainsi de suite. Maintenant, ça coince un peu au niveau de l'enseignement où on est deux contre un et Libertron Tchabda. Non, ils ne sont pas contre moi, ils sont contre les Écritures. À son avis, ça veut dire qu'ils sont contre les Écritures. Absolument. Ok, ça c'est votre avis. Oui. Je respecte votre avis, puisque vous êtes panéliste dans ce studio. Moi, je n'en dis pas plus. À chacun de se faire sa connaissance des Saintes Écritures. Alors, moi, je veux parler d'autre chose, quand même, des camps vocationnels qui sont organisés dans les différents ministères. Tu en sors d'un d'ailleurs. Tu m'as dit que tu as fait pratiquement une semaine, c'était où ça? Oui, exactement. 7 jours à Kumba. Oui. Voilà, c'est un camp vocationnel, on a invité des jeunes. Exactement. Pour pouvoir partager de la parole, susciter des vocations. Exactement, exactement. Voilà. Et c'est un moment bénissant. Alors moi, je te pose la question, c'est vrai que tu es copanéliste, mais on peut quand même échanger. Oui, est-ce que ces camps vocationnels sont vraiment des lieux saints ou des endroits où on favorise le copinage entre garçons et filles? Du moins, le camp où moi j'étais, je ne citerai pas la mission, oui. Mais c'est un camp que je dirais saint. Mais maintenant, tout le monde n'y est pas saint parce qu'il y a des personnes qui viennent pour d'autres pour intérêts. Autre chose, voilà. Oui. Mais néanmoins, ceux qui organisent ont pour objectif d'équiper les jeunes, susciter des vocations également. Mm-hmm. Voilà, mais je ne suis pas la seule qui sache au sujet des camps. Donc, oui. Sur, on donne la parole, homme de Dieu, vous l'avez souvent, oui, Evans, vas-y. Bon, tout simplement, juste pour dire qu'effectivement, il y a des camps qui existent et qui sont effectivement des lieux où il faudrait être en connexion, en contact direct avec le Seigneur. Moi, effectivement, j'en avais fait un, mais c'est depuis quand même 2009, je crois, c'était à IDEA. Mais je ne trouve aucun mal, personnellement, je le dis comme ça de but en blanc, aucun mal à ce que, quel que soit l'endroit où je me trouve, que ce soit à l'église, que ce soit dans une soirée, je ne sais pas trop quoi, la femme de ma vie par exemple, c'est-à-dire que celle-là que Dieu a décidé pour moi, peut-être c'était la zone prophétique qui était là-bas. Où tu devais aller. Où je devais aller. Mais je suis allé pour un objectif précis. Je suis allé pour un objectif précis que je vais rencontrer le Seigneur pour qu'il me dise clairement, selon qu'il est dit dans Luc 5, 3, à partir du verset 3 aussi, quand il a appelé le premier disciple qui était Pierre. Comme pour dire que quoi, effectivement, je peux aller dans ces camps-là. Ils sont saints, comme la politique est sainte. Maintenant, les pratiques qui sont faites, c'est autre chose. Maintenant, ce que les gens amènent à l'intérieur, c'est autre chose. Tout qu'on fait, quand vous y allez, la chose en elle-même, elle est très sainte, elle bénit, elle est bénissante, et je ne trouve aucun mal à ce que là-bas dedans, vous trouviez aussi, par exemple, là, une femme. Apparemment, le frère Élie n'est pas de votre avis. Vous faites quand même savoir que c'est pas l'objectif, aller chercher une femme. C'est pas du tout. Mais on l'a compris. Parce que vous avez dit, est-ce que c'est un lieu sain ou alors. Parce que on comprend directement, on comprend qu'effectivement vous voulez faire un petit transversal vers là. Donc c'est pas le cas. Élie Bertrand, vous êtes sûrement Élie a pris le micro avant que je lui pose la question. Alors Élie, oui. Non, c'est parce que le coule de gauche à la droite, donc c'est automatiquement après lui, c'est moi. Mais s'il vous plaît, la prochaine fois, de grâce, ne le mettez pas près de moi parce que j'ai. C'est mon c'est mon frère. Mais je vais dire ceci. Quand vous parlez de camp, tout ce que j'ai pu entendre dans mon esprit, c'est camp de concentration. Parce qu'en réalité, lorsqu'on sort chaque fois du cadre de l'écriture, en imitant le monde, on prendra l'esprit du monde. C'est pour ça que je suis étonné de la règle des écritures qui est mise là-bas et on invente autre chose. Oui. On a les défilés du monde chrétien aujourd'hui. Oui. On a des sorties de plages chrétiennes pour se distraire. C'est pour ça qu'on a parlé de thème de distraction. Où les femmes viennent se trémousser et autres là-bas faire des balais ainsi de suite et faire des choses pique-niquer. Ça peut être bon à la chair, mais ce n'est pas. Nous ne sommes pas sur la terre pour une vocation terrestre. Pour une simple distraction, non. Nous devrons porter les regards vers le ciel du Seigneur jusqu'à qui est assis à la droite du Pékin. C'est pour nous, pour savoir quelle est sa pensée. Mais malheureusement, il y a des serviteurs authentiques qui se trouvent en plein là-dedans. Qui initie des choses pour plaire parce qu'il y a des techniques maintenant qu'on essaie de voir. On voit que la jeunesse se livre à telle ou telle chose parce que Proverbe chapitre 20, le verset 29, la partie A dit que la force est la gloire de la des jeunes gens. Oui. Comme c'est la force, on voit effectivement les gens sont développés pour pouvoir manifester beaucoup de choses. Alors on essaie de trouver des compromis dans le monde pour pouvoir capter des choses et transformer et sanctifier pour pouvoir les faire plaire. Mais ça ne doit pas être ainsi. Les vrais apôtres, les vrais prophètes doivent prêcher. Il y a des enseignements pour les jeunes femmes, pour les jeunes veuves, ainsi de suite. Tout est dans les écritures déjà. Ok, c'est peut-être parce que nous on a donné la définition de camp, mais dans certaines églises, ça a d'autres noms. Moi, j'ai par exemple mené des enquêtes au sein du ministère que gère le prophète Georges Guillaume en tant que journaliste. J'ai mené des enquêtes et je me suis rendu compte que là-bas, il appelle des chambres hautes. Oui. Il organise des chambres hautes avec des jeunes où ils vont, ils se retirent et ils prient. Mais je veux dire que c'est un endroit où on enseigne, où on invoque le Saint-Esprit. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous avez le sentiment que certains viennent pour avoir des femmes ou alors pour faire autre chose? Le problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe depuis la nuit des temps jusqu'à nos jours? Je suis prophète, pasteur, je ne peux rien changer. Il y avait des gens qui venaient aussi confronter Jésus-Christ. Christ n'a pas prêché tout le monde. Il y avait des gens qui venaient le tenter. Bien sûr. Il y a des exemples dans la parole de Dieu. Ça veut dire que dans ces lieux... Qu'est-ce qui se passe? Moi, par exemple, j'ai même un programme, c'est-à-dire une campagne d'évangélisation dans mon village à partir du 15 août au 21 août. C'est-à-dire, j'invite, c'est-à-dire là où le ministère est implanté, je convoque l'assemblée, on se retrouve dans ce village. Et le thème, c'est quoi? Le don spirituel est un mystère divin pour la gloire de Dieu. C'est dans 1 Corinthiens, on va débattre, on va faire des enseignements. Ça veut dire que beaucoup de gens, il y a des païens même qui viennent. Ça veut dire qu'après, au fur et à mesure, si on est vrai, parce que les camps, ça dépend des conducteurs. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, si le pasteur est vrai ou le prêtre est vrai, l'Esprit de Dieu va se manifester. Pour même dévoiler ceux qui sont venus. Ils sont exposés. Et Dieu n'a pas changé dans ce monde. Il est le même. Donc il y a des pasteurs, des prophètes, des prêtres, des hommes de Dieu qui font le travail. Mais il y a aussi des bonbons pasteurs. Bon, mais non, Christine, est-ce qu'on peut quand même parler du produit de ces camps? Des jeunes qui vont, est-ce que les gens qui ressortent de ces camps, est-ce que ce sont des personnes qui sont capacitées, qui sont équipées? Est-ce que l'enseignement dans ces différents camps est vraiment dosé, est vraiment tiré de l'essence divine du Saint-Esprit? Est-ce que moi je crois que oui, effectivement, je crois que oui. Pourquoi on peut avoir des pasteurs on peut avoir des pasteurs bien très servants, des servants de l'Éternel, des servantes de l'Éternel. Même si Élie, voilà, bon, un peu titillé quand même. Donc tout simplement, effectivement, dans ces camps-là, effectivement, quand on prie pendant les adorations, vous voyez les gens commencent à recevoir même là le Saint-Esprit et se manifeste à plusieurs égards et de différentes manières. Bien sûr. Et à des moments particuliers comme on lui sent, tout simplement. Comme pour dire que moi je pense qu'effectivement ce qui ressort de là est toujours positif. Quand vous y allez avec un objectif clair pour vous voulez rencontrer le Seigneur, même comme quand on dit rencontrer, c'est peut-être mal dire parce qu'il est permanemment là. Mais effectivement, vous êtes connecté, vous l'avez effectivement et ce pourquoi vous êtes allé, vous l'obtenez. Si c'était pour les dons, il va clairement vous dire. Si c'était pour votre vocation, il va vous le dire, okay. Clairement. Merci, Elie, vous voulez, oui. Ah ouais, je voulais dire, puisque le thème parle des sacerdoces, jeunesse et sacerdoces, je voudrais seulement dire dans le psaume 119, le verset 9, la Bible déclare comment le jeune homme rendra-t-il pu se sentir en marchant d'après la parole du Seigneur. Il faut que les jeunes qui nous écoutent maintenant, puisqu'il en fait partie des jeunes, sachent que nous sommes dans une bataille. La dernière fois, vous avez traité le cas de l'Antichrist qui se manifestera bientôt, que son esprit dans le monde. Oui. Il faut que la jeunesse fasse la part des choses. Quand il parle de la jeunesse, il parle tout particulièrement ceux de l'église. Bien qui sûr. Fassent la part des choses, qui l'aiment ne plus à jouer avec notre vie. Il faut qu'on reprenne notre vie spirituelle en main, que chacun rentre dans la sanctification et la sainteté. Alors, dernier tour de table avant de remettre l'antenne. Jeunesse et sacerdoce, vocation ou simple distraction. Homme de Dieu, qu'est-ce que vous répondez? Vous pensez que cette jeunesse et l'appel, c'est une distraction? Cette pas la jeunesse camerounaise, c'est la distraction, mais c'est véritablement l'appel. C'est l'appel, c'est Dieu qui a planifié à travers ses serviteurs, il a prophétisé. Nous sommes la jeunesse de notre génération, on a reçu la mission, le sacerdoce, donc on a la charge de communier l'évangile et de ramener ces jeunes sur les voies. C'était votre dernier mot, mon dernier mot, effectivement, pas la question, je dirais effectivement, c'est la jeunesse et sacerdoce, c'est effectivement une vocation et non une distraction. Et je termine par ce verset qui est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 5 qui dit: et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. On peut même être pasteur, etc. Si on n'a pas respecté les règles, le canevas, c'est-à-dire même l'encadrement et qu'on sort, on peut croire qu'on est parfait, entre temps, on n'ira nulle part. C'est-à-dire on ira même en enfer parce qu'on n'a pas respecté le canevas que Jésus-même a respecté. Ok, merci. Je prends mon dernier mot dans ces propos. Les pasteurs, effectivement, qui ne respectent pas ces charges en nommant les gens dans des postes sans le Saint-Esprit, parce que l'établissement doit être fait par le Saint-Esprit. S'ils ne le font pas, eux-mêmes, ils iront en enfer. Voilà. Merci Elie Bertrand-Chabda, Christine Maya, merci d'avoir participé à cette émission en tant que co-présentatrice. On espère que vendredi prochain, tu seras encore là. Effectivement, je serai toujours là. On remercie tous nos panélistes. On remercie tous nos panélistes, le prophète Georges Guillaume Dieu, on remercie Elie Bertrand-Chabda. On dit bonsoir à Grace Chabda qui nous écoute depuis la Côte d'Ivoire. On dit merci également à Evance Mabert. On dit merci à toutes les femmes servantes du Seigneur qui nous ont écoutées. Mesdames et messieurs, à vendredi prochain pour une autre émission. Christine, bonsoir et à la prochaine. Ok.